sa gratuit. Mais il coûte si cher. Ne sois jamais content de ce que tu es. Si tu veux parvenir à ce que tu n'es pas encore. Conseil gratuit qui ne coûte même pas un licouta pour Walshili Yo Saka Maloba Mano Yo. Oh. Jackie Asio, Wamia Yoke Lio Mawamiki, Yoke la Kaye Komo Nikana Yo. Passez conseil, malgré qu'il soit gratuit. kito zalani makutadi di Inganda Inganda Inganda Kusare tongote Shokito zalani Shokito zalani Shokito zalani makutadi di Petit chaussée.